Dans son wagon princier, Urbain éprouva un certain soulagement en voyant enfin arriver Paris. Le voyage s'était effectué sans accident, malgré l'inquiétant individu qu'on avait signalé aux policiers. Il se prit à respirer plus à l'aise. Moins à l'aise respirait Gormas, suffoquant dans son uniforme ajusté pour la descente du train et pour la réception qui s'apprêtait. Qu'allait-il, mon Dieu, se passer? Il se sentait la tête vide et les nerfs en détresse. La minute terrible arrivait avec une rapidité foudroyante et nulle possibilité de parer au coup ne s'offrait à son esprit en déroute. Le train ralentit, puis s'immobilisa sur ses roues, dans un léger recul atténué, qui arrêta le wagon royal en face de la tenture de réception et à la hauteur des quelques hauts personnages rangés sur le quai en déférente attente. Gormas dut se raidir sur ses bottes et s'appuya son sabre pour ne pas flageoler en cette horrible minute d'angoisse. Qu'allait-il, mon Dieu, se passer? Il se sentait la tête vide et les nerfs en détresse. La minute terrible arrivait avec une rapidité foudroyante et nulle possibilité de parer au coup ne s'offrait à son esprit en déroute. Le train ralentit puis s'immobilisa sur ses roues dans un léger recul atténué qui arrêta le wagon royal en face de la tenture de réception et à la hauteur des quelques hauts personnages rangés sur le quai en déférente attente. Gormas dut se raidir sur ses bottes et s'appuya son sabre pour ne pas flageoler en cette horrible minute d'angoisse. Déjà, l'ambassadeur d'Hyperi était au bas du marchepied. Il venait d'ouvrir de sa propre main la portière et accueillait son prince courbé en deux. Un peu inquiet, malgré son habituelle assurance, Urbain, en cet instant, ne put cependant se défendre d'hésiter un peu. « Je crois, général, que, tout de même, on va un peu fort. » Il descendit, poussé à la dérobée dans les reins par la poignée du sabre de Gormas, non moins inquiet que lui, mais faisant appel, en ce moment même, à tout son courage. L'ambassadeur, qui s'était redressé pour souhaiter la bienvenue à son prince, resta sidéré devant cette figure inconnue. Le général Gormas, souriant de toute sa moustache, murmura en s'inclinant très aimablement dans l'oreille de l'ambassadeur une brève explication que le haut diplomate reçut comme un coup de massue. Un bref regard entre les deux hauts dignitaires suffit en cette seconde d'angoisse à échanger leur commune pensée. Que faire? Sauver avant et coûte que coûte le prestige de la dynastie. Déjà, les hauts personnages officiels qui venaient saluer le prince avançaient. Une hésitation seule eût été néfaste. Diplomate et prudent, l'ambassadeur eût préféré que les présentations soient faites par le général. Mais le protocole était strict. Quelques détours qu'il cherche, il ne lui était pas possible d'esquiver cette responsabilité. Au surplus, il n'y avait pas à nommer le prince, mais simplement les quelques personnages qui se trouvaient pour la plupart des représentants des hauts dignitaires chargé de venir simplement saluer le prince à son débarquement. Le petit cérémonial fut effectué par les deux protocolaires personnages avec une anxiété qui contractait quelque peu leur sourire. Le général Gormas, fébrilement plaqué au dos du faux prince, prêt à intervenir avec une habile promptitude, l'agaffe échéant. Il ne fut pas utile. Urbain fut en tout point parfait, dosant ses saluts avec une étonnante perfection, nuançant ses attitudes avec une remarquable justesse, serrant les mains avec une condescendance à peine sensible, dispensant à tous une amabilité qui savait éviter la trivialité et rester en toutes circonstances d'excellent aloi. On n'est pas pour rien que diable, parisien 100% et premier valet de chambre d'un prince héritier. D'ailleurs, pendant son voyage dans son wagon-salon, le drôle avait eu soin, entre deux cigares et deux cocktails, de parcourir et de s'assimiler les quelques notes dressées par le premier ministre d'Hyperi à l'usage du prince. Tout alla merveille, et les quelques mots indispensables que lui formulait Urbain se tinrent strictement dans les clichés habituels des termes diplomatiques qui ont le génie de ne rien dire qui vaille, tout en restant profond et cérémonieusement aimable. Puis la voiture princière quitta la gare, acclamée par la foule, et se mit vivement en route pour l'ambassade d'Hyperi où, pendant son séjour, le prince devait habiter. Une fois à l'ambassade, les portes d'une pièce rigoureusement intime refermées sur les trois personnages, l'ambassadeur et le général se regardèrent, consternés, donnant libre cours à leur angoisse. La situation était tragique. Il fallait instantanément aviser. Comment? Comment? Les deux visites officielles avec le président, les réceptions, le déjeuner à l'Élysée, que faire? prétextait une subite indisposition du prince, pire encore, les consultations officielles, les mois diplomatiques, tout se compliquerait encore. Comment sortir de là? Seule l'arrivée du prince pouvait encore, dans une certaine mesure, sauver la situation. Mais le prince, où était-il? Le général et l'ambassadeur se sentaient sombrer dans un morne désespoir. Urbain, qui, un peu creusé par le voyage, s'était fait servir une collation, s'associait de son mieux, la bouche pleine, par des gestes polis à la désolation des deux hauts personnages.